La lumière rouge du couchant immergeait par la fenêtre ouverte. Le chevalier de Tarsis regardait le diamant. Monsieur de Saint-Alban, Herminie, Madame de Tremblay, Carcoël, qui regardait d'un œil distrait sa dame de carreau. Mais ce qui me frappa surtout, ce fut Herminie. La rose de Stasseville était pâle, plus pâle que sa mère. La pourpre du jour mourant, qui versait son transparent reflet sur ses joues pâles, lui donnait l'air d'une tête de victime, réfléchie dans un miroir qu'on aurait dit étamé avec du sang. Tout à coup j'eus froid dans les nerfs, et par je ne sais quelle évocation foudroyante et involontaire, un souvenir me saisit avec l'invincible brutalité de ses idées, qui féconde monstrueusement la pensée révoltée en la violant. Il y avait 15 jours à peu près qu'un matin j'étais allé chez Marmor de Carcoël. Je l'avais trouvé seul. Il était de bonne heure. Nul des joueurs qui d'ordinaire jouaient le matin chez lui n'était arrivé. Il était, quand j'entrais, debout devant son secrétaire, et il semblait occupé d'une opération fort délicate qui exigeait une extrême attention et une grande sûreté de main. Je ne le voyais pas. Sa tête était penchée. Il tenait entre les doigts de sa main droite un petit flacon d'une substance noire et brillante qui ressemblait à l'extrémité d'un poignard cassé. Et de ce flacon microscopique, il épanchait je ne sais quel liquide dans une bague ouverte. « Que diable faites-vous là ?» lui dis-je en m'avançant. Mais il me cria avec une voix impérieuse. « N'approchez pas, restez où vous êtes. Vous me feriez trembler la main. Et ce que je fais est plus difficile et plus dangereux que de casser à 40 ans un tire-bouchon avec un pistolet qui pourrait crever. » C'était une allusion à ce qui nous était arrivé, il y avait quelque temps. Nous nous amusions à tirer avec les plus mauvais pistolets qu'il nous fut possible de trouver, afin que l'habileté de l'homme se montrât mieux dans la faiblesse de l'instrument, et nous avions failli nous ouvrir le crâne avec le canon d'un pistolet qui creva. Il put insinuer les gouttes du liquide inconnu qu'il laissait tomber du bec effilé de son flacon. Quand ce fut fait, il ferma la bague et la jeta dans un des tiroirs de son secrétaire, comme s'il avait voulu la cacher. Je m'aperçus qu'il avait un masque de verre. « Depuis quand, lui dis-je en plaisantant, vous occupez-vous de chimie ? Et sont-ce des ressources contre les pertes au whist que vous composez ?»« Je ne compose rien, me répondit-il. Mais ce qui est là-dedans, et il montrait le flacon noir, est une ressource contre tout. C'est, ajouta-t-il avec la sombre gaieté du pays des suicides d'où il était, le jeu de cartes biseauté avec lequel on est sûr de gagner la dernière partie contre le destin. » « Quelle espèce de poison ? » lui demandai-je en prenant le flacon dont la forme bizarre m'attirait. « C'est le plus admirable des poisons indiens, » me répondit-il en ôtant son masque. « Le respirer peut être mortel, et de quelque manière qu'on l'absorbe, s'il ne tue pas immédiatement, vous ne perdez rien pour attendre. Son effet est aussi sûr qu'il est caché. Il attaque lentement, presque languissement, mais infailliblement, la vie dans ses sources, en les pénétrant et en développant au fond des organes, sur lesquels il se jette, de ces maladies connues de tous et dont les symptômes familiers à la science dépayseraient le soupçon, et répondraient à l'accusation d'empoisonnement, si une telle accusation pouvait exister. On dit aux Indes que des fakirs mendiants le composent avec des substances extrêmement rares, que seuls connaissent et qu'on ne trouve que sur les plateaux du Tibet. Il dissout les liens de la vie, plus qu'ils ne les rompt. En cela, il convient davantage à ces natures d'Indiens, apathiques et molles, qui aime la mort comme un sommeil et s'y laisse tomber, comme sur un lit de loto. Il est fort difficile, du reste presque impossible, de s'en procurer. Si vous saviez ce que j'ai risqué pour obtenir ce flacon d'une femme qui disait m'aimer. J'ai un ami comme moi officier dans l'armée anglaise, et revenu comme moi des Indes où il a passé 7 ans. Il a cherché ce poison avec le désir furieux d'une fantaisie anglaise. Et plus tard, quand vous aurez vécu davantage, vous comprendrez ce que c'est. Eh bien, il n'a jamais pu en trouver. Il a acheté au prix de l'or d'indignes contrefaçons. De désespoir, il m'a écrit d'Angleterre, et il m'a envoyé une de ses bagues, en me suppliant d'y verser quelques gouttes de ce nectar de la mort. Voilà ce que je faisais quand vous êtes entré. Ce qu'il me disait ne m'étonnait pas. Les hommes sont ainsi faits, que sans aucun mauvais dessein, sans pensée sinistre, ils aiment à avoir du poison chez eux, comme ils aiment avoir des armes. Ils thésaurisent les moyens d'extermination autour d'eux, comme les avares thésaurisent les richesses. Les uns disent « si je voulais détruire, comme les autres, si je voulais jouir, c'est le même idéalisme enfantin ». Enfant moi-même à cette époque, je trouvais tout simple que Marmor de Carcoël, revenu des Indes, posséda une curiosité d'un poison, comme il n'en existe pas ailleurs, et parmi ses kandjars et ses flèches, apporté au fond de sa malle d'officier, ce flacon de pierre noire, cette jolie babiole de destruction qu'il me montrait. Quand j'eus bien tourné et retourné ce bijou, poli comme une agate, qu'une almée peut-être avait porté entre les deux globes de topaz de sa poitrine, et dans la substance poreuse duquel elle avait imprégné sa sueur d'or, je le jetai dans une coupe posée sur la cheminée, et je n'y pensais plus. Eh bien, le croiriez-vous, c'est le souvenir de ce flacon qui me revenait. La figure souffrante d'Herminie, sa pâleur, cette toux qui semblait sortir d'un poumon spongieux, ramolli, où déjà peut-être s'envenimaient ces lésions profondes que la médecine appelle, n'est-ce pas docteur, dans un langage plein d'épouvantement pittoresque, des cavernes. Cette bague, qui parut de coïncidence inexplicable, brillait tout à coup d'un éclat si étrange, au moment où la jeune fille toussait, comme si le scintillement de la pierre homicide eût été la palpitation de joie du meurtrier, les circonstances d'une matinée qui étaient effacées de ma mémoire, mais qui y repaissaient tout à coup. Voilà ce qui m'afflua, comme un flot de pensées, au cerveau. De lien pour rattacher les circonstances passées à l'heure présente, je n'en avais pas. Le rapprochement involontaire qui se faisait dans ma tête était insensé. J'avais horreur de ma propre pensée. Aussi m'efforçais-je d'étouffer, d'éteindre en moi cette fausse lueur, ce flamboiement qui s'était allumé, et qui avait passé dans mon âme comme l'éclair de ce diamant, qui était passé sur cette table verte. Pour appuyer ma volonté et broyer sous elle la folle et criminelle croyance d'un instant, je regardais attentivement Marmor de Carcoël et la comtesse du Tremblay. Ils répondaient très bien l'un et l'autre par leur attitude et leur visage, que ce que j'avais osé penser était impossible. Marmor était toujours Marmor. Il continuait de regarder sa dame de carreau, comme si elle eût représenté l'amour dernier, définitif, de toute sa vie. Madame du Tremblay, de son côté, avait sur le front, dans les lèvres et dans le regard, le calme qui ne la quittait jamais, même quand elle ajustait l'épigramme. Car sa plaisanterie ressemblait à une balle, la seule arme qui tue sans se passionner, tandis que l'épée, au contraire, partage la passion de la main. Elle et lui, lui et elle, étaient deux abîmes placés en face l'un de l'autre. Seulement l'un, Carcoël, était noir et ténébreux comme à la nuit, et l'autre, cette femme pâle, était claire et incrustable comme l'espace. Elle tenait toujours sur son partenaire des yeux indifférents, et qui brillaient d'une impassible lumière. Seulement, comme le chevalier de Tarsis n'en finissait pas d'examiner la bague qui renfermait le mystère que j'aurais voulu pénétrer, elle avait pris à sa ceinture un gros bouquet de réséda, et elle se mit à le respirer avec une sensualité qu'on n'eût certes pas attendue d'une femme comme elle, si peu faite pour les rêveuses voluptés. Ses yeux se fermèrent après avoir touché dans je ne sais quelle pâmoison indicible, et d'une passion avide, elle saisit avec ses lèvres effilées et incolores plusieurs tiges de fleurs odorantes, et elle les broya sous ses dents, avec une expression idolâtre et sauvage, les yeux rouverts sur Carcoël. Était-ce un signe, une entente quelconque, une complicité, comme en ont les amants entre eux, que ces fleurs mâchées et dévorées en silence? Franchement, je le crus. Elle remit tranquillement la bague à son doigt, quand le chevalier l'eut assez admiré, et le whist continua, renfermé, muet et sombre, comme si rien ne l'avait interrompu. Ici encore le conteur s'arrêta. Il n'avait plus besoin de se presser. Il nous tenait tous sous la griffe de son récit. Peut-être tout le mérite de son histoire était-il dans sa manière de la raconter. Quand il se tut, on entendit dans le silence du salon aller et venir les respirations. Moi qui allongeais mes regards par-dessus mon rempart d'albâtre, l'épaule de la comtesse de Damnaglia, je vis l'émotion marbrée de ces nuances diverses, tous ces visages. Involontairement, je cherchais celui de la jeune Sibylle, de la sauvage enfant qui s'était cabrée au premier mot de cette histoire. J'eusse aimé avoir passé les éclairs de la transe dans ses yeux noirs, qui font penser au ténébreux et sinistre canal Orfano à Venise, car elle s'y noira à plus d'un cœur. Mais elle n'était plus sur le canapé de sa mère. Inquiète de ce qui allait suivre, la sollicitude de la baronne avait sans doute fait à sa fille quelques signes de furtive départie, et elle avait disparu. Enfin de compte, reprit le narrateur, qu'y avait-il dans tout cela qui fut de nature à m'émouvoir si fort et à se graver dans ma mémoire comme une eau forte? Car le temps n'a pas effacé un seul des linéaments de cette scène. Je vois encore la figure de Marmor, l'expression du calme cristallisé de la comtesse, se fondant pour une minute dans la sensation de ses résédas, respirés et triturés, avec un frissonnement presque voluptueux. Tout cela m'est resté, et vous allez comprendre pourquoi. Ces faits, dont je ne voyais pas très bien la relation entre eux, ces faits mal éclairés d'une intuition que je me reprochais, dont les chevaux entortillés desquels le possible et l'incompréhensible apparaissaient, reçurent plus tard une goutte de lumière, qui en débrouilla pour jamais en moi le chaos. Je vous ai dit, je crois, que j'avais été mis fort tard au collège. Les deux dernières années de mon éducation s'y écoulèrent sans que je revinsse dans mon pays. Ce fut donc au collège que j'appris, par les lettres de ma famille, la mort de Mademoiselle Herminie de Stasseville, victime d'une maladie de langueur dont personne ne s'était douté qu'à la dernière extrémité et quand la maladie avait été incurable. Cette nouvelle qu'on me transmettait sans aucun commentaire me glaça le sang du même froid que j'avais senti lorsque, dans le salon de mon oncle, j'avais entendu pour la première fois cette toux qui sonnait la mort et qui avait dressé en moi tout à coup de si épouvantables inductions. Ceux qui ont l'expérience des choses de l'âme me comprendront quand je dirai que je n'osais pas faire une seule question sur cette perte soudaine d'une jeune fille, enlevée à l'affection de sa mère et aux plus belles expériences de la vie. J'y pensais d'une manière trop tragique pour en parler à qui que ce fût. Revenu chez mes parents, je trouvais la ville de bien changée, car en plusieurs années, les villes changent comme les femmes. On ne les reconnaîtrait plus. C'était après 1830, depuis le passage de Charles X, qu'il l'avait traversée pour aller s'embarquer à Cherbourg. La plupart des familles nobles que j'avais connues pendant mon enfance vivaient retirées dans les châteaux circonvoisins. Les événements politiques avaient frappé d'autant plus ces familles qu'elles avaient cru à la victoire de leur parti et qu'elles étaient retombées d'une espérance. En effet, elles avaient vu le moment où le droit d'aînesse, relevé par le seul homme d'État qu'ait eu la Restauration, allait rétablir la société française sur la seule base de sa grandeur et de sa force. Puis, tout à coup, cette idée, doublement juste de justesse et de justice, qui avait brillé au regard de ces hommes, dupe sublime de leur dévouement monarchique, comme un dédommagement à leur souffrance et à leur ruine, comme un dernier lambeau de verre et d'hermine qui doubla leur cercueil et rendit moins dur leur dernier sommeil, périr sous le coup d'une opinion publique qu'on n'avait su ni éclairer ni discipliner. La petite ville dont il a été si souvent question dans ce récit n'était plus qu'un désert de persiennes fermées et de portes cochères qui ne s'ouvraient plus. La révolution de juillet avait effrayé les Anglais, et ils étaient partis d'une ville dont les mœurs et les habitudes avaient reçu des événements une si forte rupture. Mon premier soin avait été de demander ce qu'était devenu M. Marmor de Carcoël. On me répondit qu'il était retourné aux Indes sur un ordre de son gouvernement. La personne qui me dit cela était précisément cet éternel chevalier de Tarsis, l'un des quatre de la fameuse partie du diamant, fameuse du moins elle l'était pour moi, et son œil, en me renseignant, se fixa sur les miens, avec l'expression d'un homme qui veut être interrogé. Aussi, presque involontairement, car les âmes se devinent bien avant que la volonté n'ait agi, « Et Madame du Tremblay de Stasseville, lui dis-je, vous saviez donc quelque chose ?» me répondit-il assez mystérieusement, comme si nous avions eu 100 paires d'oreilles à nous écouter et nous étions seuls. « Mais non, lui dis-je, je ne sais rien. » « Elle est morte, reprit-il, de la poitrine, comme sa fille, un mois après le départ de ce diable de Marmor de Carcoël. « Pourquoi cette date, fis-je alors ? Et pourquoi me parlez-vous de Marmor de Carcoël ?» « C'est donc la vérité, répondit-il, que vous ne savez rien. « Eh bien, mon cher, il paraît qu'elle était sa maîtresse. Du moins, l'a-t-on fait entendre ici, quand on en parlait à voix basse. À présent, on n'ose plus en parler. C'était une hypocrite du premier ordre que cette comtesse. Elle l'était comme on est blonde ou brune. Elle était née cela. Aussi pratiquait-elle le mensonge au point d'en faire une vérité, tant elle était simple et naturelle, sans effort et sans affectation en tout. » À travers une habileté si profonde qu'on a su que depuis bien peu de temps que c'en était une, il a transpiré des bruits bientôt étouffés par la terreur qui les transmettait. À les entendre, cet Écossais qui n'aimait que les cartes n'a pas été seulement l'amant de la comtesse, laquelle ne le recevait jamais chez elle comme tout le monde, et mauvaise comme le démon, lui campait son épigramme comme à pas un de nous, quand l'occasion s'en présentait. Mon Dieu, ceci ne serait rien, s'il n'y avait que cela. Mais le pis est, dit-on, que le dieu du Chelem avait fait Chelem toute la famille. Cette pauvre petite Herminie l'adorait en silence. Mademoiselle Ernestine de Beaumont vous le dira, si vous le voulez. C'était comme une fatalité. Lui, l'aimait-il ? Aimait-il la mère ? Les aimait-il toutes les deux? Ne les aimait-il ni l'une ni l'autre? Trouvait-il seulement la mère bonne pour entretenir sa mise au jeu? Qui sait? Ici l'histoire est fort obscure. Tout ce qu'on certifie, c'est que la mère, dont l'âme était aussi sèche que le corps, s'était prise d'une haine pour sa fille, qui n'a pas peu contribué à la faire mourir. « On dit cela, repris-je, plus épouvanté d'avoir pensé juste que je ne l'avais été d'avoir pensé faux. Mais qui peut savoir cela ?» Car Coel n'était pas un fat. Ce n'est pas lui qui se serait permis des confidences. On n'a pu jamais rien savoir de sa vie. Il n'aura pas commencé d'être confiant ou indiscret à propos de la comtesse de Stasseville. « Non, répondit le chevalier de Tarsis. Les deux hypocrites faisaient la paire. Il est parti comme il est venu, sans qu'aucun de nous ait pu dire « il était autre chose qu'un joueur ». Mais si parfaite de ton et de tenue que fut dans le monde l'irréprochable comtesse, les femmes de chambre, pour lesquelles il n'est point d'héroïne, ont raconté qu'elle s'enfermait avec sa fille, et qu'après de longues heures de tête à tête, elle sortait plus pâle l'une que l'autre, mais la fille toujours davantage et les yeux abîmés de pleurs. « Vous n'avez pas d'autres détails et d'autres certitudes, chevalier, lui dis-je, pour le pousser et voir plus clair, mais vous n'ignorez pas que ce sont des propos de femmes de chambre. » On en saurait probablement davantage par Mademoiselle de Beaumont. Mademoiselle de Beaumont, fit le Tarsis. Ah, elle ne s'aimait pas, la comtesse et elle, car c'était le même genre d'esprit, toutes les deux. Aussi la survivante ne parle-t-elle de la morte qu'avec des yeux imprécatoires et des réticences perfides. Il est sûr qu'elle veut faire croire les choses les plus atroces, et qu'elle n'en sait qu'une, qui ne l'est pas, l'amour d'Herminie pour Carcoël. Et ce n'est pas savoir grand-chose, chevalier, repris-je. Si l'on savait toutes les confidences que se font les jeunes filles entre elles, on mettrait sur le compte de l'amour la première rêverie venue. Or, vous avouerez qu'un homme comme ce Carcoël avait bien tout ce qui fait rêver. « C'est vrai, dit le vieux Tarsis, mais on a plus que des confidences de jeunes filles. Vous rappelez-vous, non, vous étiez trop enfant, mais on l'a assez remarqué dans notre société, que Madame Stasseville, qui n'avait jamais rien aimé, pas plus les fleurs que tout le reste, car je défie de pouvoir dire quels étaient les goûts de cette femme-là, portait toujours vers la fin de sa vie un bouquet de réséda à sa ceinture, et qu'en jouant au whist et partout, elle en rampait les tiges pour les mâchonner. Si bien qu'un beau jour, Mademoiselle de Beaumont demanda à Herminie avec une petite roulade de raillerie dans la voix, depuis quand sa mère était herbivore. « Oui, je m'en souviens, lui répondis-je, et de fait je n'avais jamais oublié la manière fauve, et presque amoureusement cruelle, dont la comtesse avait respiré et mangé les fleurs de son bouquet, à cette partie de whist qui avait été pour moi un événement. « Eh bien, fit le bonhomme, ces réséda venaient d'une magnifique jardinière que Madame de Stasseville avait dans son salon. Oh, le temps n'était plus où les odeurs lui faisaient mal. Nous l'avions vu ne pouvoir les souffrir depuis ses dernières couches, pendant lesquelles on avait failli la tuer, lui contait-elle langoureusement, avec un bouquet de tubéreuses. À présent, elle les aimait et les recherchait avec fureur. Son salon asphyxiait comme une serre dont on n'a pas encore soulevé les vitrages à midi. À cause de cela, deux ou trois femmes délicates n'allaient plus chez elles. C'était là des changements. Mais on les expliquait par la maladie et par les nerfs. Une fois morte, et quand il a fallu fermer son salon, car le tuteur de son fils a fourré au collège ce petit imbécile, que voilà riche comme doit être un sot, on a voulu mettre ces beaux réséda en pleine terre. Et l'on a trouvé dans la caisse, devinez quoi, le cadavre d'un enfant qui avait vécu. Le narrateur fut interrompu par le cri très vrai de deux ou trois femmes, pourtant bien brouillé avec le naturel. Depuis longtemps, il les avait quittés, mais ma foi, pour cette occasion, il leur revint. Les autres qui se dominaient davantage ne se permirent qu'un haut le corps, mais il fut presque convulsif. « Quel oubli et quelle oubliette !» fit alors, avec sa légèreté qui rit de tout, cette aimable petite pourriture ambrée, le marquis de Gourde, que nous appelons le dernier des marquis, un de ces êtres qui plaisanterait derrière un cercueil et même dedans. « D'où venait cet enfant ?» ajouta le chevalier de Tarsis, en pétrissant son tabac dans sa boîte d'écaille. De qui était-il? Était-il mort de mort naturelle? L'avait-on tué? Qui l'avait tué? Voilà ce qui est impossible de savoir, et ce qui fait faire, mais bien bas, des suppositions épouvantables. Vous avez raison, chevalier, lui répondis-je, renfonçant en moi plus avant ce que je croyais savoir de plus que lui. Ce sera toujours un mystère, et même qu'il sera bon d'épaissir jusqu'au jour où l'on n'en soufflera plus un seul mot. En effet, dit-il, il n'y a que deux êtres au monde qui savent réellement ce qu'il en est, et il n'est pas probable qu'ils le publient, ajouta-t-il avec un sourire de côté. L'un est ce marmor de Carcoël, parti pour les Grandes Indes, la malle pleine de l'or qu'il nous a gagné. On ne le reverra jamais, l'autre... L'autre, fis-je étonné. Ah, l'autre, reprit-il avec un clignement d'œil, qu'il croyait bien fin. Il y a encore moins de danger pour l'autre. C'est le confesseur de la comtesse, vous savez, ce gros abbé de Truden, qu'ils ont, par parenthèse, nommé dernièrement au siège de Bayeux. Chevalier, lui dis-je alors, frappé d'une idée qui m'illumina, mieux que tout le reste, cette femme naturellement cachée, qu'un observateur à lunettes comme le chevalier de Tarsis appelait hypocrite, parce qu'elle avait mis une énergique volonté par-dessus ses passions, peut-être pour en redoubler l'orage du bonheur. Chevalier, vous vous êtes trompé. Le voisinage de la mort n'a pas entr'ouvert l'âme scellée et murée de cette femme, digne de l'Italie du XVIe siècle, plus que de ce temps. La comtesse du Tremblay de Stasseville est morte, comme elle a vécu. La voix du prêtre s'est brisée contre cette nature impénétrable, qui a emporté son secret. Si le repentir le lui eût fait verser dans le cœur du ministre de la Miséricorde éternelle, on n'aurait rien trouvé dans la jardinière du salon. Le conteur avait fini son histoire. Ce roman qu'il avait promis et dont il n'avait montré que ce qu'il en savait, c'est-à-dire les extrémités. L'émotion prolongeait le silence. Chacun restait dans sa pensée et complétait avec le genre d'imagination qu'il avait ce roman authentique dont on n'avait à juger que quelques détails dépareillés. À Paris, où l'esprit jette si vite l'émotion par la fenêtre, le silence dans un salon spirituel après une histoire est le plus flatteur des succès. « Quel aimable dessous de cartes en vos parties de whist !» dit la baronne de Saint-Albiti, joueuse comme une vieille ambassadrice. C'est très vrai ce que vous disiez. À moitié montré, il fait plus d'impression que si l'on avait retourné toutes les cartes et qu'on eût vu tout ce qu'il y avait dans le jeu. C'est le fantastique de la réalité, fit gravement le docteur. Ah, dit passionnément Mademoiselle Sophie de Revistal. Il en est également de la musique et de la vie. Ce qui fait l'expression de l'une et de l'autre, ce sont les silences bien plus que les accords. Elle regarda son amie intime, l'altière comtesse de Damnaglia, au buste inflexible, qui rongeait toujours le bout d'ivoire incrusté d'or de son éventail. Que disait l'œil d'acier bleuâtre de la comtesse? Je ne la voyais pas, mais son dos, où perlait une sueur légère, avait une physionomie. On prétend que, comme Madame de Strasseville, la comtesse de Damnaglia a la force de cacher bien des passions et bien du bonheur. Vous m'avez gâté de fleurs que j'aimais, dit la baronne de Mascrani, en se retournant de trois quarts vers le romancier, et cassant le cou à une rose bien innocente qu'elle prit à son corsage et dont elle éparpilla les débris dans une espèce d'horreur rêveuse. « Voilà qui est fini, » ajouta-t-elle. « Je ne porterai plus de réséda. »